Bonsoir les amis. Bienvenue à Genix et Climax 80. Votre feuilleton préféré sur CKRL de 89.1 à Québec. L'émission Genix et Climax 80, c'est d'abord un feuilleton radio. D'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80, c'est le titre. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. La régie est assurée par Lana. Merci Lana. Au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Genix et Climax 80, c'est donc une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, excusez, composé des plus grands succès de la décennie 80. Restez des nôtres, les amis. Bonsoir tout le monde de nouveau sur l'émission Genix et Climax 80. Alors, on a une bonne nouvelle. On est reconduit. Ben oui, l'émission est reconduite pour la saison automne-hiver 25-26. Donc, on sera avec vous. Et ça va nous... Donc, nous donner l'occasion de travailler encore plus pour que l'émission soit encore plus colorée, on va dire. Aussi colorée que humainement, c'est possible. Alors, on va y aller avec un petit récapitulatif des épisodes précédents. Précédemment sur Genix et Climax 80. Alors on a pris bien notre temps pour asseoir le truc avec les deux premiers épisodes. C'était notre préface, une longue et belle parlotte au sujet des années 80. Donc ensuite il y a eu l'épisode 3, 4, 5 et 6. où on retrouvait notre Jenny X. Il se réveillait chez le chum de sa mère. On l'a vu jongler pas mal dans la douche aussi. Histoire d'argent, de situation académique, d'amoureuse secrète. Et donc, dans l'épisode 7 et 8, on a parlé du show d'Iron Maiden, Twisted Sisters. Et il y a eu Joanne, la bouclée de Sainte-Foy, ma coiffeuse attitrée. Puis on avait vu que le Genix, il y avait un petit band, c'était son premier. C'était un band de métal, et donc dans l'épisode 8 et 9, on a essayé de retourner en arrière afin de comprendre pourquoi le métal, les eddies, les zombies, les monstres, la science-fiction, les Marvel. Et puis, il y a eu Kiss. Et ça, c'était dans l'épisode précédent. Et donc, c'est là qu'on était rendu. Bee Gees, I love you too much. C'était extrait de la trame sonore du film Staying Alive. Un grand classique de notre jeunesse, Jenny X. On va pouvoir y aller donc avec notre première séquence qui débute avec la fin de notre dernier épisode, l'épisode 9. Donc, voici la première séquence de l'épisode 10. Ça s'intitule « On avait déménagé », page 101. On avait déménagé plus proche de l'école. J'étais juste à la fin de ma troisième année d'élémentaire. J'avais déjà eu 4 saisons pour me familiariser avec la vie de mon nouveau quartier. Le vagabondage à bicyclette, en skateboard ou à pied, pour tous les gros mois d'hiver. On marchait au moins 3/4 de mile pour aller à l'école, 3 fois par jour, car mon père nous épargnait le trajet du matin. En venant nous reconduire devant l'entrée principale tous les jours, avant d'aller au boulot. Pas une seule craque du trottoir minuscule qui serpentait le long de la rue commerciale jusqu'à l'école, qui ne nous fût parfaitement familière à mon frère et à moi. Après toute une année scolaire de ce trajet des plus récurrents,

en attendant d'être déraciné lui aussi, sans doute. Les os de nos morts attendent le Minotaure, le meunier post-apocalyptique qui les moudra très très très fin. Il saura faire de cette poudre d'ange un pain excellent pour les nouvelles cohortes de bobos nantis, toujours bêlantes et frémissantes devant un aussi beau cadre urbain. Le monstre viendra sûrement sous la forme de quelques promoteurs voraces, véreux et bâtisseurs de laideur, des condominiums à étages, ainsi que des parkings souterrains. Il organisera de concert avec les autorités municipales compétentes la découpe finale, le deal extra juteux. Lui et ses petits copains profiteurs s'en mettront plein les poches. Et cela ne sera plus à faire dorénavant. Dorénavant, ce sera fait. La mise sous coupe réglée du repos éternel de nos aïeux. Eux qui avaient travaillé si dur, les pauvres. Bon Dieu, toute leur chienne de vie. Juste afin de se payer une telle retraite dans un tel lieu. On écoute James Brown, Living in America. C'est sur CKRL, le 89.1, la radio, la nuit, à Québec. De retour à notre émission. Donc, allons-y pour... Quelle émission? L'émission, votre feuilleton radio préféré. Lana demande quelle émission. Alors, Genix et Climax 80 sur CKRL 89.1. Dites-le à vos amis. Les. Vous pouvez aussi venir nous voir sur X et sur Facebook. Donc, sur X, il y a un compte pour l'émission. Et sur Facebook, eh bien, vous allez sur Mr. Florian, Monsieur Florian, c'est en lettres majuscules. Et donc, vous allez trouver tout de suite ça. Très facile. Allons-y donc pour la séquence 3. 1980. Page 104. Toujours est-il qu'en ce beau mois de juin 1980, I Was Made for Loving You du groupe Kiss caracolait au top des palmarès. L'Amérique tout entière se préparait pour les vacances d'été. À attendre patiemment le retour interminable de l'automne pour la rentrée de Dallas à la télé. On voulait savoir, enfin, qui avait tiré sur J.R. et Wings. C'était bien le dernier de mes soucis à moi, bien que j'en avais pas beaucoup à l'époque. Enfin, tout le monde ne parlait que de ça. Dallas par-ci, Dallas par-là. Ça occupait toutes les conversations, couvertures de magazines et talk show à la télé. Par contre, Kiss avait eu toute mon attention. Ils avaient zappé pratiquement toutes mes autres préoccupations. Même ACDC était rincé. Ils avaient l'air d'une bande de ringards à côté d'eux. L'école était presque finie. On était à une semaine ou deux de la sortie des classes. trois frères et sœurs se retrouvent au chalet familial pour répandre les cendres de leur sœur Irène. Mais un coup de vent transforme leur rituel en retrouvailles inattendues. Ici par hasard, une comédie dramatique où le rire et le deuil s'entrelacent, où l'amour tente de réparer ce qui s'est brisé. Au Théâtre Périscope du 16 au 27 septembre. Billets au théâtrepériscope.qc.ca. Genix et Climax 80. On va pouvoir continuer à la séquence 4. Page 104. Le chou. Une rumeur courait à l'école que la bande à Tigui Lacombe, un autre bungalow boy qui habitait pas très loin, juste en face de chez mon super pote Eric, Guy était pour organiser un show de Kiss derrière la maison chez eux. De notre petite rue, la configuration particulière du terrain vague offrait une vue plongeante sur la cour arrière de chez Tigui, sur l'autre cap qui bordait les rives du petit ruisseau rouge derrière les blocs en briques jaunes, là où on avait tous l'habitude de se réunir entre nous, la bande de la rue François-Thomas. Notre position stratégique, donc, nous avait permis de ne rien perdre de leurs préparatifs fiévreux durant tout le week-end qui avait précédé la tenue du fameux événement. Une première exclusive pour tout le quartier. J'avais aussi pu avoir la surprise de remarquer que Ricky, mon cousin branché Kiss, lui aussi, faisait partie de la bande à Tigui Lacombe. AC/DC. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Vous êtes sur CKRL, le 81, à Québec, la radio, la nuit. Get it! ACDC avec leur super titre It's a Long Way to the Top if you want to rock and roll. Alors on y va tout de suite avec notre séquence 5. Ça s'intitule La Rumeur, à la page 104. On avait passé des heures, cette fin de semaine-là, à les espionner, monter tout leur décor, avec les deux grands tigres d'Alive 2, qu'ils prenaient des soins infinis à recopier et à colorier au feutre. Ou alors à peindre leur guitare, qu'ils avaient eux-mêmes dessinée, tout en étant scrupuleusement fidèles au véritable modèle. Le père de Tiggy les avait lui-même découpés dans du pur plywood à l'aide de sa propre scie sauteuse. Ah, je vous dis qu'elles étaient au poil, leurs guitares. Mis à part le fait qu'il n'y avait pas de cordes. Mais de loin, on aurait dit des vraies. Surtout celle de Ricky. Exactement pareille à celle de Ace Frehley. Enfin, presque pareille. Et puis, le soir du concert arriva enfin. Si je me souviens bien, la veille de leur dernière journée d'école. Charisma, du groupe Kiss. Is it my fortune or my fate? Is it my money? My personality, or just my sexuality. Yeah! Charisma de Kiss. On va enchaîner ça avec une excellente chanson de la même époque. Ça s'appelle Mickey de Tony Basil sur CKRL 89.1. La radio, votre radio, l'ennemi. Petit bug, pas de panique. On a le palliatif. Et donc, ce palliatif, c'est une question existentielle qui nous a été soumise par notre ami Gilles Lanoux. On te salue, Gilles. La question est celle-ci. Alors, les Smarties rouges, les sucez-vous lentement ou bien les croquez-vous vitement? Alors, pour la réponse, vous pouvez nous téléphoner dès maintenant pour faire votre demande spéciale pour la deuxième partie de l'émission. Alors, au 88-640-2575. 88-640-2575. On attend votre réponse, les amis, à cette question existentielle. Les Smarties rouges, les sucez-vous lentement ou les croquez-vous vitement? On attend vos réponses, les amis, à CKRL Radio ce soir. on peut dès lors aller à notre séquence, la séquence donc 7, et ça s'appelle Mon frère et moi. Comme mon frère et moi, ainsi que le reste de notre petite bande, avions gratuitement assisté à toute cette fiévreuse préparation du show depuis le week-end d'avant, nous éprouvions la sensation d'être pratiquement dans le secret des dieux. Aussi avions-nous payé du bout des lèvres les 10 cents qui constituaient le prix d'entrée pour le paradis, derrière le bungalow chez Tiggy. J'avais rajouté 10 cents supplémentaires x2 pour mon petit frère et moi, en échange de 2 verres de l'excellente limonade que la maman de Guy servait ce soir-là. On était une bonne 50aine de gamins du quartier, et même au-delà, assis dans l'herbe, devant la scène improvisée, dans la petite cour arrière du bungalow, à attendre fiévreusement le début du concert. Par chance, les Lacombes avaient une super chaîne haute fidélité. Le double album pourrait être retransmis de façon magistrale, de sorte que tous les voisins, à au moins 250 mètres à la ronde, puissent vraiment profiter du show, comme s'ils y étaient. Le temps était si doux ce soir-là. Taco et sa super reprise d'une chanson des années 40. Put it on the Ritz. Vous écoutez Taco sur CKRL le 89.1 à Québec. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the Ritz. Nice and easy. Put It On The Ritz. C'était le groupe Taco. C'est un gros hit de l'été 82. Je me souviens, on était à Wildwood. Ça jouait partout autour de la piscine et sur le boardwalk. Allons-y donc avec la séquence 8. Page 105. Ça s'intitule « Alive 2 ». À mon point de vue, Alive 2 demeure vraiment le summum de tout ce que devait être un concert de rock, du moins tel que je pouvais déjà le concevoir à l'époque. La foule plus que consentante, déchaînée de plaisir, participante de tout son être. Les rythmes guitaristiques et les solos de Ace en relief, tout le meilleur de la distorsion. Inutile de dire que j'étais très impressionné, comme la totalité du public, par la performance de la bande à Tigui. On s'y serait vraiment cru. Je devais également apprendre ce soir-là que les concerts de rock dignes de ce nom, même ceux tout en bas de l'échelle, ils finissent plutôt mal la plupart du temps. Celui-ci ne fit pas exception. J'avais pu constater à l'entracte, c'est-à-dire à la fin du premier disque, alors que j'allais vérifier si nos bicyclettes étaient toujours là, dans l'entrée du garage, j'étais tombé sans le vouloir sur une scène qui augurait très mal pour le reste du concert. À travers une fenêtre du sous-sol, mon indiscrétion me permettait d'assister comme au théâtre au-dessous des coulisses du clash. Tigui Lacombe, évincé du rôle de Paul Stanley, piquait une grosse crise. J'étais, malgré moi, le témoin du clash fatal du groupe. Tel un petit garçon boudeur, Guy, entouré des autres en costume, était assis à une table, la tête dans ses mains, l'air buté. Il avait retiré son maquillage et regardait droit devant lui. Il était évident qu'il avait pleuré de rage. Je pensais que quelque chose sûrement ne tournait pas rond tout à fait comme il l'aurait voulu. Je me demandais bien quoi. En tous les cas, c'était certainement pas l'excellente citronnade de sa maman qui faisait défaut pour le faire tourner au cramoisi, à force de pleurnicher de dépit comme ça. Il nous faisait un gros caca nerveux, Tigui. Il nous chiait carrément une pendule. Et comme je le disais, cela s'annonçait comme un très mauvais signe pour ceux qui restaient du spectacle. La foule commençait doucement à s'étioler. On patientait depuis suffisamment longtemps pour voir s'achever le suspense, à savoir si le concert allait effectivement continuer pour la deuxième et dernière partie du show. Il y avait même des rumeurs de remboursement des 10 cents d'entrée pour tout le monde encore présent. Non, Guy ne reviendrait pas. Faut que je me pousse. Jerry, on te salue. Jerry, il est off and back. Faut que je me pousse. Comme Tigui, fallait qu'il se pousse. C'est sur l'émission Genix et Climax 80. À CKRL, à 89.1. À Québec. Peut-être bien que l'amour est mort. À la voir des ongles rouges, des yeux pleins d'or à fou, ça a été de valeur qu'à j'ose à vouloir me mettre à genoux. À cette heure, faut que je me recouse le cœur. Il est parti plein de trous. Faut que je me pousse. Il n'y a rien à faire. Me donne la frousse, j'mène un train d'enfer.

Jeudi 2 octobre à 19h30, Martha Wainwright signe un retour en force avec un cinquième album en carrière, Love Will Be Reborn. Riche en matériel original, l'album s'inspire des récentes années qu'a vécu l'artiste. Vendredi 3 octobre à 19h30, la talentueuse artiste jazz Suzy Arioli promet une expérience enchanteresse qui touchera les cœurs et fera vibrer les corps. Informations et achats au espace dcl.ca. Savez-vous que les milieux humides atténuent les effets des inondations et des sécheresses et qu'ils protègent ainsi nos collectivités et soutiennent la production alimentaire? Ils représentent 6 % de la surface de la Terre, mais stockent 33 % du carbone de la planète. Si la vie vous tient à cœur, remerciez un milieu humide. Renseignez-vous sur les milieux humides au travail auprès de Canard Illimité Canada. Consultez le site canard.ca/milieu-humide. De retour à notre émission Genix et Climax 80 sur CKRL au 89.1. On a une petite annonce. Il est 1h à Québec et il y a 2 semaines, on recevait ici notre ami Félix Baudet qui vient nous annoncer que justement, il nous invitait pour le 3 octobre à la librairie Saint-Jean afin de faire vivre un extrait du feuilleton. Et donc, on sera là avec Lana et moi-même à la librairie Saint-Jean. On vous invite donc. C'est le vendredi 3 octobre. Ça va être vers 7h30. Ça commence vers 7h30. C'est en début de soirée. C'est un petit apéro. Il va y avoir sans doute un excellent punch. En tout cas, il y a des consommations. C'est le jour où l'on s'est connus, c'est vrai. Ça correspond avec notre anniversaire à Lana et moi. Elle me dit donc que c'était même un vendredi. Alors, moi, je suis ravi. Donc, le hasard fait bien les choses. Et donc, on sera là le vendredi 3 octobre à la librairie Saint-Jean pour un petit apéro. Amenez vos amis, on sera là. Avec de la musique et des textes. Si vous avez des textes aussi, ou un slam, ou quoi que ce soit, des poèmes, ou un manifeste à proclamer, eh bien, soyez des nôtres. On sera là pour vous écouter également. Allons-y donc avec notre 8e épisode de ce soir, l'épisode 10. Allons-y donc avec notre 8e séquence sur l'épisode 10 de notre feuilleton radio. Des gars de bonne volonté, page 107. Quoi qu'il en soit, comme c'est souvent le cas dans les annales du rock'n'roll, des gars de bonne volonté ont réussi à bricoler une solution avec des bouts de ficelle et un peu de maquillage. Daniel V, un garçon très débrouillard, qui de plus était l'un des nôtres de la rue François-Thomas, nouveau voisin, débloque de l'autre côté de la rue. Il faisait néanmoins partie de la bande Actigui, à titre de road crew. Alors, il allait assumer pour le reste du concert le rôle de Ace, tandis que Ricky, mon cousin, qui connaissait mieux les paroles des chansons, lui, jouerait la partition de Paul. Il allait endosser le costume légèrement trop petit du très peu regretté Tiggy. Il était 21h30 avec tout ça. On aurait déjà dû être rentré à la maison à l'orée des vacances d'été. Et il nous restait encore le dernier jour d'école au programme pour le lendemain. Alain Bachung, Gabi, oh Gabi. Tu devrais pas me laisser venir. C'est sur CKRL. Faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. C'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Je sens comme un vide. Remets-moi Johnny Kidd. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me blesser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Alain Bashung, Gabi. Super titre. Il est 1h08 et il fait un temps excellent d'automne. On est venu ici à pied et c'est très agréable. Moi, c'est. Je pense que c'est ma saison préférée, l'automne. J'ai toujours aimé. Et donc, ce soir, l'émission, c'est, on pourrait dire que c'est un spécial Kiss, mais comme on a eu une réponse à notre question de la part de Jean Seb, qui est ici en tant que Français immigré, je ne sais pas si il compte rester pour toujours dans notre belle province, ou si il compte retourner dans la métropole. Mais on va lui dédier cette chanson, qui est à peu près, qui date environ de la même période aussi également. C'est une chanson de Renaud, et ça s'appelle Hexagone. C'est pour toi, Jean-Seb. L'Hexagone de Renaud. C'est sur CKRL Radio. 89.1 à Québec. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne.

à nos petites chroniques poético-littéraires. Et laissons choir M. Macron et sa femme, enfin, Brigitte. On te salue, Brigitte. Bri-bri. Il y avait une excellente chanson, qu'on la mettra pas ce soir, mais c'était une chanson, ça s'appelait Brigitte et sa bite. La bite à Brigitte. Et je vous conseille d'essayer de l'écouter, c'est sur YouTube, vous tapez La bite à Brigitte et vous allez trouver, c'est excellent. C'est excellent, donc, après l'émission, donc, allez-y pas tout de suite, parce qu'on a notre 9e séquence à la page 108. Je me rappelle que lorsqu'ils avaient rembarqué avec Tomorrow and Tonight, la moitié du public s'était déjà barrée. De même que la totalité de la délégation de notre rue, mon frère avait été de leur nombre à rentrer sans plus attendre. J'étais donc resté avec tous les irréductibles, les incassables du rock. Toutefois, les choses ont commencé à partir en vrille dès les premières mesures de Bette. Le mec qui incarnait Jane Simmons, il a commencé à en faire un peu trop avec le sang artificiel. Il en foutait partout, ce con. C'était ridicule. Je commençais vaguement à comprendre pourquoi Tiggy avait lâché l'affaire. C'était déjà tourné au cirque, alors que j'enfourchais mon CCM couleur or pour rentrer à la maison. En tous les cas, j'en avais encore plein la tête. Désormais, je savais exactement ce que je voulais faire cet été-là. J'accélérais sur le pédalier à mesure que God of Thunder se faisait de plus en plus petit jusqu'à disparaître dans la douceur de la soirée. Tomorrow and Tonight. Alors, c'est là qu'on entame notre petit spécial Kiss ce soir. Et c'était la dernière séquence du feuilleton radio. Mais c'est pas grave, restez avec nous autres parce que on a du Kiss ce soir sur CKRL Radio 89.1. Et c'est à Québec City. Tomorrow and Tonight. C'était Tomorrow and Tonight de Kiss. On a une autre excellente chanson de Kiss et ça fait suite d'ailleurs à notre dernière séquence, God of Thunder. C'est interprété par le démoniaque Eugene Simmons. C'est extrait de l'album Alive 2, sorti en 1977. On écoute God of Thunder sur CKRM Radio de 89.1, la radio de la nuit du Québec. Peter Criss et son impérissable solo de batterie. On écoute I'm not a day, I'm not a sleep. C'était God of Thunder du groupe Kiss. Et on a eu droit aussi au, à un petit solo de Kiss, de, enfin de Peter Criss, le chat. Kiss, en fait, ça fait vraiment partie là, de ma maison, en fait. J'écoute une chanson de Kiss et je me sens à la maison. J'ai découvert Kiss donc dans les années, au début des, en 80, et ça a été une révélation. Ça a conditionné, je pense, mes goûts et mes envies par la suite. Et on va avoir plusieurs chansons encore pour la dernière demi-heure. Vous pouvez téléphoner aussi, hein, si vous avez une chanson de Kiss en tête, eh bien vous pouvez téléphoner dès maintenant au 418-640-2575 et pour nous donner nos impressions, vos impressions aussi. Et on va pouvoir aller à une courte pause publicitaire pour vous revenir avec notre spécial Kiss sur Genix et Climax 80 à CKRL, le 89.1 à Québec. Tous les mercredis, dès 11h30, CKRL présente en collaboration avec l'AQDR Section Québec l'émission Aîné, on vous écoute. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est un organisme sans but lucratif qui veille depuis 35 ans à la défense individuelle et collective des droits des personnes aînées. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Les 20 et 21 septembre, Montcalm Blues revient pour une deuxième édition. Deux jours, deux scènes et une dizaine de spectacles gratuits sur l'avenue Cartier et chez des commerçants. Terrasse animée, ambiance de quartier unique et chaleureuse. Montcalm vibre au rythme du blues. Un rendez-vous à ne pas manquer. Toutes les infos sur quartiermontcalm.com. À Télé-Québec, aucun sujet n'est tabou. Ça va faire jaser dans les chaumières. Stéphane Bureau invite au débat. J'ai envie de sauter dans l'arène. Prenez part à la discussion. Ils sont déchaînés. Une époque formidable. Mercredi 20h et sur le web et l'appli de Télé-Québec. De retour à notre émission Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89.1. On va aller à une excellente chanson, toujours de Kiss. On attend vos appels aussi pour des suggestions, des demandes spéciales pour les fans de Kiss. C'est Unmask, extrait. Shandy. Ah, Shandy. On écoute Kiss sur CKRL, le 89.1 à Québec. We'll be right back. C'était Shandy du groupe Kiss, extrait de leur leur album Unmasked. C'était l'album qui avait suivi Dynasty, sur lequel était leur gros hit I Was Made for Loving You. On a une petite lettre de la part de Monsieur Florian, qui nous a écrit ici un petit billet que je vais vous lire à l'instant avant de vous balancer notre prochaine chanson, All American Men, toujours extrait de l'album double live Alive 2. Mais avant ça, je vais vous lire le petit commentaire de Monsieur Florian. Alors, faut croire que je suis pas encore assez blasé, ni entièrement rincé, ou parvenu au stade régressif de ce vieux con bourru, entartré du ciboulot et surtout plus que néfaste pour son prochain. Eh bien, tant mieux alors. Ça en fera toujours au moins un de nous pour rattraper le gros de ce qui reste encore d'assez valide pour être demeuré aussi fidèle que possible à celui qu'on était sur les photos, dans les souvenirs de jeunesse, et bientôt 40 ans qui nous séparaient du jour de notre graduation, les amis. Et moi, de ce petit teigneux aux allures de voyou, je me retrouvais donc devant tous les anciens camarades, pour la plupart d'entre eux, complètement aplatis par cette misère morale grimpante, et sans parler du vide spirituel qui s'installait et auquel on s'habituait sans le vouloir, un peu comme on s'habitue à l'absence, encore qu'on ait de la ressource à vendre et toujours assez de mine dans le crayon pour continuer encore un bon bout de temps à faire assez les cons pour que quelqu'un se sente parfois obligé d'appeler les flics. Alors, garçon, comme ça, toujours sur le marché des agents libres, one for the money and two for the show, et avec encore assez de sève pour être toujours dans la course pour le cimetière ou chez le ferrailleur, Mister Brisefer. J'ajoute que si vous avez juste quelques miettes de temps à éparpiller pour la littérature et l'auteur qui émerge doucement dans toutes ces petites chroniques poético-romanesques qui dépeignent non sans une fraîcheur candide une tendresse bucolique, je dirais, marquée pour la ville de Québec et ses environs immédiats de la rive sud, Levy Beach, Saint-David Beach, là où débutent ces chroniques du siècle dernier. Ah, le printemps 86, époque charnière de l'histoire de notre peuple, qui, au milieu des années 80, arrivait tout juste sans le savoir, par la force des choses, à conquérir tous les rênes et leviers des pouvoirs économiques, politiques et culturels, menant à l'émancipation et à l'autodétermination de ce glorieux rameau américain, précieux et fragile de cette bouture de la France éternelle qui avait presque failli disparaître 2 siècles auparavant. Et que les Anglais avaient bien tenté d'assimiler à multiples reprises, mine de rien. Pour finir par en venir à bout de ce peuple jeune, les fiers canaïens, établis par un sang aussi bouillant que prodigue, dans un pays tout neuf, démesuré, exprès pour les doux rêves américains et cannibales. All American Men du groupe Kiss, c'est ce soir sur CKRL Radio, le 89.1, la radio la nuit à Québec. Please. American Man from Kiss. C'était 1977, le double live Alive 2. Les conquêtes hippiques, encore à faire, encore à déballer, comme au premier jour de cet acte d'aimer, de la première aube dorée, cette grande surprise d'un premier matin du monde. Autant donc y aller franco, les gars, se mouiller à fond et créer une littérature dont les fondations seraient assises sur des motifs aussi imparables que la pierre philosophale. Alors autant sauter dans le vide et partir en vrille, en sucette ou en cendre. On aura la vérité en bandoulière comme une guitare. Et on sera là pour être aussi fou qu'un diamant qui brille. Et pour parler de mon ancien groupe, Dissection, ah oui, ça viendra. Mais j'ai pensé qu'il vaudrait mieux que je commence par vous présenter sommairement le petit gars, le héros adolescent de notre histoire et donc le narrateur de ces petits carnets de voyage qui seront, nous l'espérons fermement, vous présenter de façon tout à fait honnête et personnelle le parcours parfaitement flou et semé de drôles d'épisodes d'embrouilles vintage de toutes sortes qui, je le crois, résumerait tout à fait tout ce que la culture ado avait à offrir comme tremplin d'enfer pour un Genix en puissance. Pour des stars du rock de la loose comme nous, on se tenait prêt à la déconnade violente, les conneries les plus inutiles, 400 coups à faire, à dire, et surtout pour moi, à écrire, ouais, afin de témoigner pour les générations à venir de toute la latitude dont on bénéficiait dans notre envie de mordre ou de couiner. Pareil au sale petit con obsessif qui ne lâche jamais rien sauf son sperme à tout vent et peut-être aussi son meilleur pote contre une ligne de poudre, un peu de fric ou une greluche déclassée pas trop scrupuleuse. Mais une vraie cinglée, de celle encore passablement bien roulée, qu'est-ce que cette conne pourrait bien trouver à foutre avec un foutu narrateur omniscient, vous me le direz, si vous le savez. Hard Luck Woman, The Kiss. Vous écoutez CKRL, le 89.1. Bonne nuit, les amis. If never I met you, I never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck. Child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard love woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your eyes. Don't wanna hurt you, girl. You know I could never lie. I keep telling you, hard luck woman. You ain't a hard luck woman. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Red, the sailor's only daughter. A child. Woman, c'était chanté par Paul Stanley. C'était celui qui avait l'étoile noire peint sur l'œil gauche. Il y avait l'autre aussi, Jane Simmons, qui était l'ange démoniaque du groupe. Puis il y avait Ace, l'extraterrestre, et Peter, le batteur. Qui était maquillé, enfin, ça représentait un chat. Donc, l'auteur de Genix et Climax 80 évoque au jeu les turpitudes adolescentes du narrateur, qu'on retrouve à 15 ans de distance avec l'an 2000. On attendait tous avec une appréhension toute juvénile si les extraits fragments du manuscrit intégral vous ont plu et que vous sympathisez avec ma cause ou celle des auteurs d'ici, précisément au sujet de la sacro-sainte promotion du français et de la culture de chenou. Alors, je vous prie, chers lecteurs et auditeurs, de ne pas hésiter, surtout, manifestez-vous. Précommandez dès maintenant et sans rien débourser jusqu'à l'occasion du lancement officiel du bouquin Genix et Climax 80. Ça s'en vient, les amis. Hein? Ça s'en vient. On est un peu en retard, mais ça s'en vient. Réservez votre exemplaire numéroté et dédicacé par l'auteur. Et pour ce faire, il suffit de m'écrire en privé sur Facebook. MR Florian en lettres majuscules. Facebook, MR Florian en lettres majuscules. Ou sur X, on a un compte aussi qui est au nom du... de l'émission Genix et Climax 80. Donc, réservez votre exemplaire numéroté et dédicacé par l'auteur. Pour ce faire, il suffit de m'écrire en privé. Tu seras à ce moment même exactement comme le soleil de ma journée. Enfin, ne vous gênez surtout pas, les amis, cliquez ou pour me dire simplement ce que vous pensez du truc. Pour nous le dire, hein, des fragments, des photos, des chansons, n'ayez pas peur, envoyez-nous ce que vous avez. Faites-le dans une optique altruiste, même. Limite humanitaire, s'il faut. N'ayez pas peur. J'espère bien vous surprendre. Et on aimerait bien vous faire sourire un peu avec toutes les sottises qu'on s'apprête à partager avec vous cet été, enfin cet automne, dans ces nouvelles aventures radiophoniques où le but de l'exercice, je le rappelle, sera de confronter l'œuvre littéraire, Genix et Climax 80, au jugement des lecteurs, de le soumettre à votre critique, ainsi qu'à vos goûts imprévisibles et incontestables. C'est le grand public, et c'est les auditeurs. Et ils ont toujours raison. Nous, on se conformera à votre décret. Et soit on sourira et on partira sur une go monumentale de plaisir, de joie, d'être élu dans vos cœurs, ou soit on pleurera comme bête qui nous attend à la maison. Non, elle ne nous attend pas à la maison, mais elle attend Peter à la maison. Beth, de Kiss, enfin de Peter. C'est pour nous ce soir, c'est pour vous, les auditeurs, sur CKRL Radio, le 89.1, la nuit. Beth, what can I do? say you feel so empty, that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling, oh Beth, what can I do? What can I do? Il est 1h51, les amis, et donc je tiens aussi, enfin, au nom, en notre nom, à nous deux, Lana et moi, je tiens à vous remercier encore du fond du cœur, tant pour vos pouces en l'air que pour votre présence, les auditeurs, depuis le début de cette émission. On vous remercie aussi pour vos messages personnels, pour vos encouragements, vos suggestions, vos lumières, bref. Pour le moindre de vos émoticônes en commentaire, sachez que c'est aussi précieux pour moi que le plus gratifiant de tous les salaires. Et non seulement pour moi qui suis l'artiste de la guenille le plus sincère, le plus fidèle, le plus dévoué, innocent, de tous les petits baveux qui chercheraient l'embrouille ou le blues pour griller des nuits à réviser son charabia pseudo-intello, puis de surtout à vouloir retaper ce sacré vomissage. Ensuite, lorsque l'assaille le doute qui le mine ou la confiance qui l'aveugle, il garde le contrôle et l'instinct des killers. Alors ce sera tout pour aujourd'hui, mes amis. Et on vous laisse avec Naked City. C'est une excellente chanson du groupe Kiss. Et ça sera la fin de notre émission Genix et Climax 80, l'épisode 10. On vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite une bonne nuit sur les ondes de CKRL 89.1, la radio, la nuit, à Québec. À la semaine prochaine, les amis. Bonne nuit. Message, n'oubliez pas que c'est les élections municipales prochainement. Faut s'y intéresser. Et donc, marchons, les amis, marchons et sortons les marchands du temple. C'est un petit message, en tout cas. En tout cas, on retourne.